toi. Tire-toi. Ouais, tu parles trop, la rue c'est paro. Y'a une passe, une pour les frères derrière les barreaux. Tire-toi MC, tu fais gaulerie. J'ai trop de choses à dire, mais je vais y aller mollo. Cogno, c'est toi qu'il te faut. Oh, tu parles voyou. Non, tu parles mal. Toi, tu fais le mal. Quoi, t'es à la taille. Toi, c'est comme ma gloire et ça se voit. Ta bouche, tout ça tira. KOFS, Herbel et centre-ville. Tire en l'air si j'ai pas ma paye. Voilà que je tire en l'air si à 30 piges j'ai pas ma bête. Tire en l'air, j'enlève la vie. Si tu touches à ma famille, je suis seul sur mon navire. Et c'est celle que je me suis construit pour être un homme. Ben ouais, pas besoin de ta zombie. Tire-toi si tu connais rien de la rue. Tire-toi si tu peux qu'avant-garde. Je suis jamais au garde à vous. Vas-y, tire sur ce type. Tire sur ce type pour la tire. Tire pour les frères qui comptent. Mais vas-y, tire, clip. Ouais, vas-y, tire, vite. Toujours en tire. On voit les armes, ils nous t'inquiètent, on est parés. Public salaire, on veut l'argent du parrain. Dans ma cité, écoutez, parlez taré. Voilà un son d'éducation, frère, en maison d'arrêt. Je prends du lourd, ça putain, déguste, mets ton dessert. Du rap de vrai, sorti des caves, au bloc tout droit de laser. Alors qu'il est, tous les MC, je les ai quillés. En verlan, je vais les quiller, je viens récupérer mes billets. La rue et tous ces coins, tous ces villes, je connais bien. Assez bien pour te confirmer que dans ma tête, on est plein. Que si tu parles des miens, on te baise et sans rancune. Cacoule, mon FS, désolé si je vous baise. MC, on te connaît, on sait que t'as le seul. Laisse ton majeur et rentre dans le cul de ta sœur. Mec, c'est le ghetto, BD pour moi, tout va peiner. Nique la mère à Montana ainsi que celle de Béné. La vie, c'est pas un film, si on te baise, c'est pour de vrai. Mes refrains vont te le montrer. Si tu parles, c'est que t'es un teutré. Pour le respect, faut que ça paye, faut que ça plaît, faut que ça le fait. Goose, KKK ou FS. Vas-y, tire sur ce type, ouais. Tire sur ce type, pour la tire. Tire pour les frères qui comptent, ouais. Mais vas-y, tire, clip, si ça se compte. Ouais, vas-y, tire, clip, toujours en tire. On voit les armes, ils nous t'inquiètent, on est parés. Public salaire, on veut l'argent du parrain. Dans ma cité, écoutez, parlez taré. Voilà un son d'éducation, frère, en maison d'arrêt. Connais la danse du 9 mini, c'est comme ha ha mêlé. Soit tu tires, soit tu subis, soit tu craches ou on te finit. Toi tu connais pas le délit, le délit atterri, frère, ça sera atterri, ce qui est péril. Nique sa mère direct, c'est violon à fond long, y'a rien d'étonnant. Pour les MC c'est désolant, quand je rappe on file le collant. Gars, c'est pire que Koh-Lanta, ne vous méprenez pas. Je remercie les gars qui me suivent depuis mes premiers pas. Hop hop hop hop, moi le reste m'en bats les yeux. Agent on souffle, mais ça part en coup des balayettes. 2010 on a trop fait, on te laissera même pas les miettes. Ouais les mecs, c'est pas net, toi t'es un choc que sur le net. Ça fait 7 ans que je pose les MC, c'est des mains, j'ai des 7 camps. Est-ce que tu connais la danse du 9 mini? 9 mini, 9 mini. Vas-y, tire sur ce type, ouais. Tire sur ce type pour la tire. Tire pour les frères qui comptent, ouais. Mais vas-y, tire, clip, si ça se compte. Ouais, vas-y, tire, clip. Toujours en tire-clip. On voit les armes, ils nous t'inquiètent, on est parés. Public salaire, on veut l'argent du parrain. Dans ma cité, écoutez, parlez taré. Voilà un son d'éducation, frère, en maison d'arrêt. Vas-y, tire sur ce type. Tire sur ce type pour la tire. Tire pour les frères qui comptent, ouais. Mais vas-y, tire-clip, si ça se compte. Ouais, vas-y, tire-clip. Toujours en tire-clip. On voit les armes, ils nous t'inquiètent, on est parés. Public salaire, on veut l'argent du parrain. Dans ma cité, écoutez, parlez taré. Voilà un son d'éducation, frère, en maison d'arrêt. On a fait F, on a fait F, ouais. K ou FF, ouais.